Nous autres, les artistes, musiciens et chanteurs, on vit comme des fous à plus de 300 à l'heure. On traverse toute la France sans pouvoir la regarder. Pourtant, c'est beau la France et on sait s'amuser. Par exemple, quand on vient du côté de Bordeaux, il y a toujours une bouteille qu'on débouche aussitôt. Il y a toujours du soleil qui arrose les coteaux et toutes les filles sont belles quand elles nous crient bravo. Quand on chante à Saint-Émilion, le meilleur vin de nos régions, c'est mieux que tous les hit parades, le jour des fêtes de la Surade. On chante nos chansons en cœur, car notre vin c'est le meilleur, c'est l'Olympia à coups de gorgeon. Quand on chante à Saint-Émilion, je rentrais des Pyrénées avec mes musiciens. La veille, j'avais chanté à la Pierre Saint-Martin. On s'arrête à Libourne, où on a des copains. C'était les vendanges, la fête du raisin. On a goûté la lamproie, l'entrecôte bordelaise. On était comme chez soi, on était très à l'aise. Alors on a sorti les guitares, la batterie. Et puis on a chanté pendant toute la nuit. Quand on